Pardon, monsieur, est-ce que je peux vous poser quelques questions? Sur quoi? Sur la francophonie. Vous savez, moi je travaille. Je n'ai pas le temps de répondre à des questions que je ne comprends pas. La... quoi? La francophonie. Non, ça ne me dit rien et je n'ai pas le temps. Désolé. Ce n'est pas grave. Au revoir, monsieur. Pardon, madame. Vous avez quelques minutes pour répondre à des questions sur la francophonie. Vous connaissez la francophonie? Je crois que ce sont les pays qui parlent français, c'est ça? C'est une organisation gouvernementale, non? Oui, oui. Est-ce que vous pouvez citer des pays qui font partie de la francophonie? Les Antilles, la Nouvelle-Calédonie, l'île de la Réunion. Oui, ça, ce sont des départements et des pays d'outre-mer. Ah oui, la francophonie, c'est plus large, n'est-ce pas? Ce sont tous les pays où on parle français? Oui, et même des pays où la langue française est une langue étrangère privilégiée, comme le Maroc ou la Tunisie. Ah oui, il y a aussi les anciennes colonies françaises. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Cameroun. Et vous pouvez citer d'autres pays? Où on parle français? Oui, il y en a beaucoup d'autres. Attendez. Ah oui, le Liban, je sais parce que j'y suis allée. Et puis le Québec, bien sûr. Bravo, madame. À votre avis, combien de pays font partie de la francophonie? Une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine? Je dirais une quarantaine. Plus, madame, 53 exactement. Dernière question, à quoi sert la francophonie? Je crois qu'on fait beaucoup d'échanges et de coopération entre les pays francophones. Pour la santé, l'éducation, les techniques, la culture, tout ça. Parfait. Eh bien, pour vous remercier d'avoir répondu à toutes ces questions, je vous offre une invitation pour le prochain concert de Taha, Khaled et Fodel. Merci beaucoup.